Le héron, les poissons et les crevisses. Fable. Un héron vivant au bord d'un étang était devenu vieux. Et comme il n'avait plus la force d'attraper les poissons, il réfléchit à quelle ruse il avait recours pour vivre. Il dit un jour aux poissons: Hé, vous poissons, savez-vous le malheur qui vous menace? J'ai entendu dire aux hommes qu'il allait vider l'étang et vous mettre à la poêle. Je connais bien un autre étang derrière la montagne, et je voudrais bien vous y transporter, mais je suis si vieux qu'il m'est difficile de vous aider. Les poissons prièrent le héron de ne point les abandonner. Soit, dit le héron, je vais me dévouer pour vous. Je vous porterai l'un après l'autre, car je ne pourrai vous porter tous à la fois. Les poissons se réjouirent, et c'était à celui qui passerait le premier. Porte-moi, porte-moi! S'écriait-il. Et le héron commença le transport. Il prend un poisson, l'emporte dans le champ voisin et le croque. Il en mangea ainsi une grande quantité. Dans ce même temps-là vivait une vieille écrevisse. Quand elle vit le héron emporter le fretin, elle comprit la ruse et lui dit: Eh bien, mon héron, veux-tu m'amener à la crémaillère? Le héron saisit l'écrevisse et l'emporta. Arrivé dans le champ, le héron voulut poser l'écrevisse, mais celle-ci, apercevant les arêtes des poissons sur la terre, serra de pinces le cou du héron et l'étrangla. Puis elle revint à la rivière et raconta tout aux poissons.